que heureusement il est là cet alcool. Il me faudrait un truc genre. Tête sur la lune, il faudrait un télescope pour me suivre quand je suis sur l'instru. Escalade les dunes de soucis, digne de ce nom comme King Kong. Je ferai mon truc de toute façon ils seront. Un puzzle de pensée censé soulager une fois posé sur la feuille. Envie de doser, tauber, je me sens toujours pas mieux. Merde, j'ai cette sensation bizarre, madame. Déception, c'est comme installer chez moi et c'est compliqué d'être simple. On y va par 36 chemins quand on n'en connaît pas un seul. Et la petite bête n'existe pas, mec, mais nous, on la cherche de manière obsessionnelle. Demande à quel on dort plus. On passe nos nuits à réfléchir, dès le matin roule un spliff. Y'a que ça qui me donne l'inspire, ou quoi, quoi, quoi. J'assis les nuits de pleine lune, le matin je fais la une. Je me salis pas pour rien quand je me déplace, je fais des thunes. Je suis en place sur la lune, c'est la guerre des étoiles. Lève les bras et assume quand y'a du sang sur ma plume. J'ai chopé un rhume et j'ai pas cessé la fume. Si mes sexes étant vexés, t'es bête ou complexé. À l'heure où je te parle, bois et trop de siphines sont blessés. Mon flow blesse ta gosse, laisse bercer par ses faiblesses. Les mots pèsent un gros bête, je kiffe ça, je le confesse. La scène si la IA, les gens t'es pour déchanter. Je kiffe ça, qu'est-ce qu'il y a. This program is a major NASA effort. Beam me up, Scotty. En direction de la Lune.